voudrais qu'un monde me reproche rien. Même quand je fais des bombes et que ça pète comme au Proche-Orient. Tête pleine de rêves, pleine de vide sur mes poches bien. Que mes potes fassent mille et un business. Amalgame, ultimatum, mes sauces, mes gendarmes comme lutte finesse. Désolé cousin, mais dans mes textes y'a plus de blagues, y'a plus de finesse. Le gramme a été effacé par ce monde de brut. Je parsème des rimes, mais sur moi, personne ne s'ébrute. Tout ça, croire que la tristesse, je les séduite. Je repense aux miens, tous ceux qui ma douleur atténue. Avec eux, j'cule le temps. Et ça, avant que le temps nous tue, malgré ça, j'continue. Ultimatum, cousin, corps et âme, y'a plus qu'un clan. Une famille comme les Corleone, fidèle à ma base. Regarde mon fanion, il arbore les sonnes. Dis frère, j'vois que ça se pour des codes postaux qui diffèrent. Mais merde, c'est la merde. Et en plus, la vie, c'est pas ça. J'ai un hall mercenaire, gros pour témoigner. Trop de fois censuré, des menottes à mes poignets. Voyageant sur le mic, me sert sur ton sursaut. ESG Ultimatum témoigne sur cette vie de chien. Tenue de combat, casquette sur veste aux élections. Pour ATK, putain, c'est sûr, j'vote. Témoignage sur le mic, me sert sur son sursaut. ESG Ultimatum témoigne sur cette vie de chien. Tenue de combat, casquette sur veste aux élections. Pour ATK, putain, c'est sûr, j'vote. Est-ce que j'ai l'air mature? Faut demander à ma mater. T'aimerais savoir ce qui m'attire? Suffit de connaître les bonnes matières, les bonnes manières. Sinon, mec, c'est la case départ. Et même à la caisse d'épargne, y'a un fossé dans lequel je ne cesse de glisser. Comme dans beaucoup de lycées, les jeunes viennent tester les couteaux qui viennent déguiser par dizaines, même pas ni trop peur. Nitron en 4-4-2, pour rien du tout ça chauffe plus vite qu'un micro-ondes. Barre de jouer la comédie, c'est fini le temps où je dormais même jusqu'à midi. Ouais, j'ai un taf mais c'est pas encore une mine d'or. C'est un peu mieux pour toi la salle vu que je mène dur. Alors comprends qu'il y a vraiment de quoi déprimer. Si je me souviens, en faisant partie des premiers. Alors du coup, c'est devenu mon challenge. Donc tu comprends si je parle mal avec nonchalance. J'ai déjà dit qu'on se laissera faire. Si je rappe c'est pour les sœurs et frères. Aussi je cours pour témoigner. Toujours papier dans le grand bassin. Faudra faire gaffe à pas te noyer. Témoignage sur le mic me sert sur son sursaut. ESG Ultimatum témoigne sur cette vie de chien. Tenue de combat, casquette sur veste aux élections. Pour ATK, putain, c'est sûr, j'vote. Témoignage sur le mic me sert sur son sursaut. ESG Ultimatum témoigne sur cette vie de chien. Tenue de combat, casquette sur veste aux élections. Pour ATK, putain, c'est sûr, j'vote. Partie 3, chapitre final, le jeu score sa course et danse douce. Et le son de ma voix, ils ne mourront jamais tous. On a le faire, faire peur au mic, on en voit un des faire pas. Et faire pire, on le sait aussi. Les faux MC, tous faire par l'œil vif. Tout ce que je vois, je le fais en pire pour les frères qui courent. Je suis le running man fort dans le circuit, mec. Je témoigne à chaque mot une doute qui tombe. Ma vie, c'est pas un skate. Que toutes les âmes sensibles s'éloignent, merde. Tâche gros, je vis ce que je vois. On me dit, Etes, tu veux du cash flow. Et ESG Ultimatum au mic pour un clash fou, Jack. Pour faire par narrage, on veut m'écraser comme une blatte. Rien ne va plus, je vois rouge les frères autour de moi. Moi, j'ai à peine 20 ans, et puis je cours pour témoigner. Les potes, c'est comme les rêves, j'en ai vu beaucoup. S'éloigner, j'y crois encore, comme un vrai grand j'arrive. Et pour un salaire de misère, la santé nos parents s'abîment. Le torse droit, je m'en sortirai tout seul. Mes potes dégainent l'époque, dégainent des gars qui nous en veulent. Les plus qu'on reste, et puis les meilleurs partent. On veut être riche, alors on triche, en plus j'ai pas les meilleures cartes. Une vie haute, les frérots se bousculent dans le trafic. Et si tu pètes un caf, un chiffre de plus pour le graphique. Les Ulysses, cette vie de rêve, on veut la tâter. Un rap parmi tant d'autres, l'itinéraire de gosses de cité. Témoignage sur le mic me sert sur son sursaut. ESG Ultimatum témoigne sur cette vie de chien. Tenue de combat, casquette sur veste aux élections. Pour ATK, putain, c'est sûr, j'vote. Témoignage sur le mic me sert sur son sursaut. ESG Ultimatum témoigne sur cette vie de chien. Tenue de combat, casquette sur veste aux élections. Pour ATK, putain, c'est sûr, j'vote. 1. DEST, max de phase, ATK. Ultimatum, KID, Brodage, Rino, Fix. Bien vous. Ça c'est du bon. Ultimatum! Ultimatum! Ultimatum!